Bien, bonjour à vous les amis, vous êtes bien sur Fadjet 94.2 pour l'émission Cold You Be Love. J'espère que vous allez bien, j'espère aussi que vous avez passé de très bonnes vacances. Pour ma part, elles étaient plutôt pas mal. Alors oui, aujourd'hui, en ce dimanche, 21h, on se retrouve pour la nouvelle... Enfin, pour la nouvelle, non, pour l'émission Reggae. Pourquoi nouvelle? Écoutez, c'est la reprise, hein. Faut pas être méchant avec moi, hein. C'est la reprise, c'est compliqué, hein. Allez, non, comme d'habitude, j'ai 8 artistes très talentueux à vous faire découvrir ou redécouvrir, peut-être que vous en connaissez quelques-uns. Et puis sans plus tarder, bah, je vais vous les présenter, quoi. Alors au départ, on a Shensi, Basile, Iwox, sans oublier Big Aranks, Trio, Mokalamiti, Prince Jamy, et puis pour finir, on aura Werevana. Allez, notre premier artiste se nomme Shensi. La chanson s'appelle Boom Like Ball. Vous allez voir, c'est juste super. Allez, on se retrouve juste après. Well, one back it up, and a man, you know. One live pan, fi me little uko avenue. My girl, if you're good, your man a fi marry you. Leave me last night. Like full stop, so me was small. Boom, me a boom, panny dick like a ball. Burn, fi climb me wall. When me a boom, panny dick, thing body na me hold me ball. Then me me boom, panny dick, sell it up, ya me me ball. Boom, me a boom, chanting like a ball. Right, panny body and one, man a hunt fi me goal. Like him a leprechaun. Did me plant your seed like you dey pan farm. Send it up me a ball like burglar alarm. Down pan the ground me a crawl like me a caterpillar. But you up belly flat pan the pillar. Full me up with the vanilla take a pause. When me look in a the mirror face make up like Michael Duffy in a thriller. Like full stop so me was small. Boom me a boom pan the dick like a ball. Burn fi climb me wall. When me a boom pan the dick thing body na me hold me me ball. Then me me boom panny dick, send it up ya me me ball. Boom me a boom panny ting like a ball. Lily it feel good thing stiff so you steady it real good. Dash where the plastic stretch me like elastic. No sex toys give me real wood. Hard fuck when me a cocky up. Come a run down pan stiff cocky with a nook. Me a real bad girl so me no in a the run up and down. Me each up like when dogs talk. Like full stop so me was small. Boom me a boom panny dick like a ball. Burn fi climb me wall. When me a boom panny dick thing body na me hold me me ball. Then me me boom panny dick send it up ya me me ball. Boom me a boom panny thing like a ball. Right panny body and one man a hunt fi me go like him a leprechaun. Did me plant your seed like you dey pan farm. Send it up me a ball like burglar alarm. Down panny ground me a crawl like me a caterpillar. But you up belly flat panny pillar. Full me up with the vanilla take a pause. When me look in a the mirror face make up like Michael Duffy in a thriller. Like full stop so me was small. Boom me a boom panny dick like a ball. Burn fi climb me wall. When me a boom panny dick thing body na me hold me me ball. Then me me boom panny dick send it up ya me me ball. Boom me a boom panny. Et bien voilà mes chers Rasta, c'était Shensi, Boom Like Ball. Allez, notre prochain chanteur est Basile, il va chanter Vision. Vous allez voir, c'est magique comme chanson. Allez, c'est parti. C'est ma vision, oh ma vision, step on my corner. Is my vision, oh my vision. I got a crazy dream with a crazy vision. Like I see the world with a brand new season. Full of love, hope, no addiction. With a choir in the back I sing. Sound by the people, sound for the people. Coming at the place and we are getting comfortable. Pass me the mic and I will turn table. Like Max from me, yo, yes me, just the devil. Close them. Tell her to come over. Got the blues and I know you ain't over. This had 100 people last night. This had 1,000 people last night. Miss a man, wish you care for me. With this your vision full of truth and positivity. Man, I go send another prayer to the most high. Send another prayer to the most high. Yeah, talking the truth, we come talk in the booth, man. Better we come back with something for the youth, them. I want my brother, meet the brother and the brother every night. And I work it together. Movement. Step on my Eh bien voilà, mes Rasta, c'était Basile. Allez, notre troisième artiste est IWOX. C'est un grand groupe de reggae et ils vont nous interpréter Komanski. Let's go. J'nique en RAP comme en SKI. J'envoie du gros mon pote comme en FAKI. J'kiffe pas les tours mais les pistes de ski. Faut faire la différence mon gars, écoute ce qu'on dit. En raga j'suis au fait, écoutez les petits. Nous voilà embarqués pour un pic son parti. Le micro est branché, écoute ce qui s'ensuit. IWOX on te fait transpirer jusqu'au bout de la nuit. Je crois sur le rythme un son qui créera des fractures. Attention rider à toi maintenant il faut que t'assures. Tous les gars devant moi sont prêts à sauter sans rupture. Vas-y jump man, et prends le kick à sa cassure. On met dans l'ambiance en soirée jusqu'à faire craquer la structure. On se serre les coudes en évitant tous les coutures. Pourvu que ça dure, je veux éviter la censure. Ça c'est sûr, je te le jure, je ferai tout pour qu'on perdure. Les modules devant toi ne sont pas infranchissables. Tu n'as qu'à te persuader que tu en es capable. Du bon sang dans les oreilles, te voilà incontrôlable. Touche un peu ce sol, tu verras qu'il n'est pas palpable. On atteint des sommets, on est baigné par nos passions. On ne se prend pas la tête, on y fait bien attention. Écoute ce son, IWOX on met la pression. Sur tous les arcadiens pour représenter la station. J'nique en RAP comme en SKI. J'envoie du gros mon pote comme en FAKI. J'kiffe pas les tours mais les pistes de ski. Faut faire la différence mon gars, écoute ce qu'on dit. On va la triompher, écoutez les petits. Nous voilà embarqués pour un pic sans parti. Le micro est branché, écoute ce qui s'ensuit. IWOX on te fait transpirer jusqu'au bout de la nuit. Big big combinaison avec nos potes Raphaël Henry. Un stylo et une feuille et après c'est parti. Lyrique c'est ta vie. Direct from l'Australie, c'est l'IWOX Sound sur le spot d'Angoulie. Ça fait vraiment plaisir de s'être motivé pour une pure chanson 100% lavagée. Les arbres sans mourir sur un mix bien épicé. Te fais pas ça de bouger, mais bientôt t'enflammer. C'est comme sur un sautoir qu'il faut tout déchirer. Même la tête en bas, mais les pieds bien posés. Toujours bien stylé, c'est ça qu'il faut convoiter. Savoir s'envoyer, mais toujours être cadré. Car l'erreur peut arriver et la tête peut se casser. Commence alors une obsession pour se rééduquer. Saison passée, la motivation rechargée. Toujours plus d'idées, de nouveaux spots à checker. J'nique en RAP comme en SKI. J'envoie du gros mon pote comme en FAKI. J'kiffe pas les tours mais les pistes de ski. Faut faire la différence mon gars, écoute ce qu'on dit. On va la triompher, écoutez les petits. Nous voilà embarqués pour un pic sans parti. Le micro est branché, écoute ce qui s'ensuit. IWOX on te fait transpirer jusqu'au bout de la nuit. Présent sur le slow park, je suis prêt à envoyer. Regarde mes nouveaux tricks, je vous les ai réservé. J'ai débranché le cerveau, je suis prêt à m'élancer. Sur la prise d'élan, le faki est enclenché. Prépare la rotation, je suis prêt à décoller. Faut que j'aille go avec un grab bien stylé. Y'a le gypsy feeling toujours présent quand il faut filmer. Délirer des vidéos de taré. Sur ma tête tu peux mater. Ma pique est toujours là pour présenter. Tu reviens sur mon run, l'attraction commence à peser. C'est tout en souplesse que je devrais me poser. Oser sur le rythme à son pour vous transporter. C'est pareil dans le reggae, les idées peuvent se classer. Afin d'être transcrité, vous êtes livré. En prenant parti pour montrer qu'on est engagé. Et non conditionné, voire même formaté. Déréglé, toujours les yeux fermés. Une lutte bien acharnée, mais la non-violence exercée. T'es pas en train d'hésiter, sans rien avoir à te reprocher. L'esprit soulagé, mais les idées purifiées. Comme en SKI, j'envoie du gros mon pote comme en FAKI. J'kiffe pas les tours mais les pistes de ski. Faut faire la différence mon gars, écoute ce qu'on dit. En raga j'suis au fait, écoutez les petits. Nous voilà embarqués pour un pic son parti. Le micro est branché, écoute ce qui s'ensuit. IWOX on te fait transpirer jusqu'au bout de la nuit. J'nique en RAP comme en SKI. J'envoie du gros mon pote comme en FAKI. J'kiffe pas les tours mais les pistes de ski. Faut faire la différence mon gars, écoute ce qu'on dit. On va la triompher, écoutez les petits. Nous voilà embarqués pour un pic son parti. Le micro est branché, écoute ce qui s'ensuit. IWOX on te fait transpirer jusqu'au bout de la nuit. Je sais pas vous les amis, mais alors ce son moi il me fait bouger, mais alors d'une de ses puissances. Allez, pour continuer cette émission Mirasta, je vous propose qu'on passe à un artiste que j'aime tout particulièrement, qui s'appelle Bigarang. Je sais pas si vous connaissez, mais c'est un truc de fou, j'adore. Il va chanter Lake It Sunshine. Allez, c'est parti. sunshine, the water is hot. Say, say, say, cheating on a rainy day. Thanks God, but the sky is gray. Ooh, liquid sunshine, it's raining a lot. Liquid sunshine, the water is hot. Yeah, so take me to the sunset octopus. Take me to the sunset octopus. Liquid sunshine. Voilà mes Rasta, c'était Bigaranx. C'était super bien, hein. J'espère que vous avez aimé. Hein. Allez, notre cinquième artiste se nomme Trio, et oui, ce grand groupe que tout le monde connaît d'ailleurs. Enfin, du moins j'espère, au sens ça me blesserait un peu quand même. Ils vont nous chanter la chanson, bah chanter justement. Eh oui, et j'espère que vous allez chanter d'ailleurs. Hein. Allez, on se retrouve juste après. C'est là, ça nous tourne autour, même si on ne voit pas, on entend chaque jour. Un petit refrain, un bout de chemin, un son au lointain qui nous fait du bien. Il faut que ça sorte avec nos voix, et puis des notes, et puis des choix, avec de l'amour dans ce qu'on fait, avec de l'humour, de la sincérité. Chanter, c'est libre de droit et d'idées. Ce petit moment qui arrête le temps. C'est là, c'est comme un besoin. Au bout des doigts, au creux de nos mains. Choisir les mots, les mettre bout à bout. Aller plus haut, au-dessus des tabous. Se faire du bien dans la mélodie. Croiser les chemins, tempo et harmonie. C'est là, c'est en nous, c'est là, ça nous suit. C'est au rendez-vous, au carrefour de la vie. Chanter, c'est libre de droit et d'idées. Ce petit moment qui arrête le temps. C'est là, en ces temps pluvieux, où les fous de Dieu se tuent sous nos yeux. Comme une respiration, comme un souffle d'air, comme comme un coup de crayon, une pause dans l'enfer. C'est là, c'est pas juste des chansons, c'est pour garder la foi, pas perdre nos illusions. C'est comme ça, nous on en a besoin pour rester avec toi, pour se sentir humain. Chanter, c'est libre de droit et d'idées. Le vrai coup de vent où on se sent vivant, c'est là, c'est pour toujours. C'est nos trois voix, de la musique autour. Nous y voilà, on est tous ensemble. On est une seule voix et le monde s'assemble. C'est ça, c'est ça. Il faut qu'on nous entende. Nous on a fait le choix de chanter ensemble. Oui, on le fera. C'est ce qui nous rassemble dans la paix. Oui, c'est ça, depuis 20 ans déjà. Chanter, chanter, c'est libre de droit et d'idées. Chanter à plusieurs voix unifiées. Chanter le matin en se levant, le soir en s'endormant. Chanter. Eh bien voilà, mes Rapstars, c'était Trio Chanté. Allez, l'artiste suivant est Mo Calamity. Elle va chanter Petit Bonhomme, vous allez voir, c'est une magnifique chanson. Allez, c'est parti. Petit bonhomme, trace ta route encore plus loin. Mais surtout, n'oublie pas de t'arrêter en chemin. Le fil à couper du papier qui gosse de mots à notre intégrité. Petit bonhomme, trace ta route, va au plus loin. Mais surtout, n'oublie pas de la lettre de vis d'un monde qui se divise sur des bases fictives. D'un dualisme et à son paroxysme au détriment des véritables sentiments. S'installent les faux semblants, ensorcelés par l'apparence de l'argent. Petit bonhomme, passe ta route, va au plus loin. Mais surtout, n'oublie pas de. C'est que flics et victimes, ces insignes qui te faillent abonner. Vire à Babylone. Pour me faire t'enrôler dans leur guerre pour ta vie d'homme. Vire à Babylone. Régné par le gang. Vire à Babylone. Tu connais la donne. Vire à Babylone. Fais ta main, fais ta voix, fais ta lâche que mes gars ils seraient. Petit bonhomme, passe ta route, va au plus loin. Mais surtout, n'oublie pas de t'arrêter en chemin. Tu ne me prendras pas. Oh Babylone, hey. De ton système on n'en veut pas. Oh Babylone, hey. Les valeurs se perdent ici-bas. Oh Babylone, hey. Oh Babylone, hey. Babylone, Babylone, Babylone, Babylone, Babylone, Babylone, Babylone, Babylone, Babylone, Babylone, Babylone, Babylone, Babylone, Babylone, Babylone, Babylone, Babylone, Babylone, Babylone, Babylone, Babylone, Babylone, Babylone, Babylone, Babylone, Babylone, Babylone, Babylone, Babylone, Babylone, Babylone, Babylone, Babylone, Babylone, Babylone, Babylone, Babylone, Babylone, Babylone, Babylone, Babylone, Babylone, Babylone, Babylone, Babylone, Babylone, Babylone, Babylone, Babylone, Babylone, Babylone, Babylone, Babylone, Babylone, Babylone, Babylone, Babylone, Babylone, Babylone, Babylone, Babylone, Babylone, Babylone, Babylone, Babylone, Babylone, Babylone, Babylone, Babylone, Babylone, Babylone, Babylone, Babylone, Babylone, Babylone, Babyl c'est fou comme c'est... j'aime cette chanson, les amis. Oh, c'était Mokalamiti, Petit Bonhomme. Allez, notre avant-dernier chanteur est Prince Jammy. La chanson se nomme Road Boy. Allez, let's go. Rasta, c'était Prince Jammy, Rude Boy. Allez, notre dernier chanteur se nomme Wale Vanna. La chanson est ailée, c'est de la dancehall et c'est super bien. Yo, Wale Vanna, la fumée. Mandez moi un kebab, ça ouvre les lèvres. Les deux gosses là, on coupe là, on kiffe les lèvres. Après l'amour, on y va, on se gèle. Mande mwenye yanke ba, we tou sa ou lelele. Anke tre se ou konsta, wopina ou ke felele. Dabri lan mou an iba, anke tseke lelele. Papale mwen de yek sa ou, paske mwen yon pamele. Mande mwenye yanke ba, we tou sa ou lelele. Anke tre se ou konsta, wopina ou ke felele. Dabri lan mou an iba, anke tseke lelele. Papale mwen de yek sa ou, paske mwen yon pamele. E si jame ou chwase mwen, we deye lan mou geni lan mou. Fou mwen dan deta ou, toujou ni sa ki ke anvye nou. Yo ka pale del nou. Pour essayer de diviser nous, en que quoi y a dans, donc pas payer au pays toucher nous. Toujours ni ça de parler, de parler, de parler. Mais pas quoi c'est vrai, y'a bien que faire monter la calée. Toujours ni ça de parler, de parler, de parler. Baby, quoi y a moins, pas loin, oui, nous gagnons l'air. Mané, moyen, y'a qui bat, oui, tout ça, ou lélélé. Enquête, qu'est-ce qu'on stade, au pina, ou qui fait lélé. D'après l'amour, on y bat, en tête, c'est que lélélé. Papa, les moyens d'ailleurs, ça, parce que moyen, pas mêlé. Mané, moyen, y'a qui bat, oui, tout ça, ou lélélé. Enquête, qu'est-ce qu'on stade, au pina, ou qui fait lélé. D'après l'amour, on y bat, en tête, c'est que lélélé. Papa, les moyens d'ailleurs, ça, parce que moyen, pas mêlé. En pacaille pour mettre vous la ligne, parce qu'un savant pas capable. Pacaille, bonne vous pour grève, non, on n'a pas marchand de sable. Tout petit geste, rencontrez plus, c'est vous, on choisit pour miss. Habile qu'on numéro 10, tout petit, mais y'en y vista. Ma fille, maman dit, maman et papa, on confectionne. Tellement bien, yo prend temps, yo façonne. J'y mets la gaille long, long, long. Pour les moyens des contre-mons. Mandez moi, y'en y'a qui bat, oui, tout ça, vous l'élélé. Enquête, qu'est-ce que tu constats, au pina, ou qui fait l'élé. D'après l'amour, on y bat, enquête, c'est que l'élélé. Papa, les moyens d'ailleurs que ça, parce que moi, y'en pas mêlé. Des moyens yon qui bat, oui tout ça ou lélélé. Enquête traité au constat, au pina ou qui fait lélé. D'après l'amour on y bat, enquête c'est que lélélé. Papa les moyens d'ailleurs que ça ou parce que moi yon pas mêlé. Balan quand on lève ça ou vé. Mais où sont en jadou, c'est vous en vé. Belle femme comme vous, qu'a fait yon l'on homme salivé. Savez qu'a ou qu'a fait l'amour à bâché. Papa m'en pour guignol, pour tébé. Grâce au papa bébé. Même j'en radis ou en love, même j'en ça fait ou dédé. Conseiller qu'a parlé, et vous qu'a coûté. Dans ces nous qui l'a. Mandez moi yé yé bat, oui tout ça ou lélélé. Enquête traité au constat, au pina ou qui fait lélé. D'après l'amour on y bat, enquête c'est que lélélé. Papa les moyens d'ailleurs que ça ou parce que moi yé pas mêlé. Mandez moi yé yé bat, oui tout ça ou lélélé. Enquête traité au constat, au pina ou qui fait lélé. D'après l'amour on y bat, enquête c'est que lélélé. Papa les moyens d'ailleurs que ça ou parce que moi yé pas mêlé. Et bien voilà mes Rastas, cette émission est déjà finie, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite une très bonne soirée à toutes et à tous, une bonne semaine et on se retrouve dimanche prochain à 21h sur Fadjet. Salut tout le monde. Mandez moi yé yé bat, oui tout ça ou lélélé. Enquête traité au constat, au pina ou qui fait lélé. D'après l'amour on y bat, enquête c'est que lélélé. Papa les moyens d'ailleurs que ça ou parce que moi yé pas mêlé. Mandez moi yé yé bat, oui tout ça ou lélélé. Enquête traité au constat, au pina ou qui fait lélé. D'après l'amour on y bat, enquête c'est que lélélé. Papa les moyens d'ailleurs que ça ou parce que moi